Leçon 3. Activité 2A. Écoutez et soulignez à chaque fois que vous entendez le son « en » comme « France ». Soleil levant. Le soleil, en se levant, fait la roue sur l'océan. Le paon en fait tout autant, soleil bleu au bout du champ.